qui ne comprennent pas le principe, mais très rapidement, quand un chien regarde un chien, ça va être la télévision, il n'a rien à voir. Et quand l'humain regarde un chien, au pire, un humain, ça va être la télévision, ça touche. Nous, on a une conscience de la souffrance. Eux n'en ont pas. Ça ne veut pas dire que vous battez votre chien et il ne s'en rend pas compte. Au niveau de sa conscience, il ne souffre pas. Physiquement, il souffre. Si vous revenez après, il va vous attaquer. De la mémoire, il y en a. De l'ego, il y en a. Je parle de conscience. Par exemple, si vous voulez que chaque chien envoie une partie de son assiette de bouffe au Bangladesh pour aider les chiens là-bas, et même si vous leur montrez des photos de chiens toutes maigres, vous n'avez pas conscience. Bon. Avec l'humain, par contre, la souffrance, il ne connaît pas le monde quand il montre tout nu, puis tout maigre, il ne connaît pas. Il ne veut même pas le connaître. Et ça va le toucher. Alors, il y a une conscience au niveau de la souffrance. Bon. La plante, c'est encore moins. Mais c'est pas que quand vous rentrez chez vous, vous gottez votre chien, vous lui arrachez les pattes, c'est pas grave, il ne souffre pas. Physiquement, il va souffrir, comme vous souffrez physiquement. Mais au niveau de la conscience, il ne souffre pas. Autrement dit, le chien n'est pas conscient qu'il souffre. Il est différent. Tandis que l'humain est conscient qu'il souffre. Exactement comme le chien ou l'oiseau fait un nid. L'oiseau sait comment faire un nid, mais l'oiseau ne sait pas qu'il sait comment faire un nid. Même affaire au niveau de la souffrance. Il souffre, mais il ne sait pas qu'il souffre. Nous, on souffre et on sait qu'on souffre. Nous, on peut s'écœurer de souffrir. On peut souffrir les autres. On peut en mettre. Le chien ne fera pas ça. Donc, arrachez pas les pattes à vos chiens en venant chez vous. Non, tout, il faudrait que tu aies l'appareil et arracher les pattes aussi. C'est pas un cheval. C'est pas un cheval. Non, c'est pas un cheval. Juste 140 livres. Bon, c'est un petit chien de 140 livres, de haut de mètre, puis que debout, quand il met ses pattes sur ses épaules, il peut s'accoter la tête sur toi. Mon cheval fait ça. Sur ses quatre pattes. Ah oui. Excuse. Bon, moi j'aimerais revenir à la question d'énergie, question d'esprit qui traverse à travers différentes formes et qui est reliée à l'homme. Premièrement, combien est-ce qu'il y a de plans sur la planète, Jean, Daniel? On parle du... Sur la Terre, il y en a seulement 4,5, on dit 5. 5 parce que... Les autres sont pas exprimés. Donc, il y a le physique, okay. Le vital, l'astral, le mental. Ah, OK. Quelques-uns, okay. Okay, okay. Mental, okay. Oui, OK. Et le reste, là, c'est au papier de dessiner l'homme accès certainement. Non. Mais les plans sont là. Ils sont pas manifestés. Il y a plus ils sont pas accessibles à l'homme. Ils sont pas accessibles à l'homme. Il y a plus que 7 plans de bord. Si on considère les plans non manifestés, puis pas juste sur la Terre, partout, il y en a plus. Il y a d'autres plans où la matière est aussi dense que ça. Oui. Et ça, c'est sur la planète Terre, autour de la planète Terre. On ne peut pas les voir avec nos yeux parce qu'on est dans le consortium. Bon, je vais t'expliquer dans le continuum. Continuum. Quand on parlera de l'affaire, on verra les choses. Espace-temps. Pourquoi y a-t-il des mondes parallèles? Parce qu'il n'y a pas d'espace. Ou un espace différent. Non. Albert Einstein sera d'accord avec moi. Pourquoi y a-t-il des mondes parallèles? Parce qu'il n'y a pas d'espace. OK. Ben, tu me pas. Ça fait pas passer un examen, là, encore. Non. Ça veut dire que s'il y a des mondes parallèles, c'est qu'il n'y a pas d'autre monde. Il n'y a pas de place. Ils sont tous à la même place. Puis, nous n'avons qu'à nous promener d'un monde parallèle à l'autre. Alors, effectivement, il existe des mondes aussi matériels que nous, à 20 000 années-lumière d'ici. Mais tu peux y aller, comme ça, en changeant de plan parallèle. Parce que le 20 000 années-lumière n'existe pas. Ça, c'est le temps autour de la spirale. C'est le temps que ça va te prendre pour t'en aller jusque-là. Mais en réalité, c'est un déplacement temporel, non pas un déplacement matériel, même si l'humain le voit dans le tapis, dans ces concepts-là, qui sont plus près de la réalité. Et quand tu regardes au loin, c'est dans le temps que tu vois. C'est pas dans la matière que tu vois. Ça, on le sait aujourd'hui au niveau physique. Quelqu'un qui regarde prenez une paire de jumelles et vous regardez à 20 000, vous ne voyez pas 20 000 plus loin. Vous voyez dans le temps. Vous voyez dans un avenir possible si vous alliez là. OK. On va revenir à ce que c'est que tu permettais qu'on aille tantôt. Lorsque une forme quelconque transforme l'énergie, la retransmet, la prédigère et la connecte à l'homme, l'homme, il l'absorbe. Il est habituellement toujours capable de l'absorber. Oui, ça dépend de la digestion. OK, oui. Habituellement. Si c'est prédigéré pour lui, il l'absorbe. OK. Lorsque le... pas l'athlète, mais l'homme en bonne santé de 25 ans se couche et meurt d'un arrêt cardiaque à 3 heures du matin, n'y a-t-il pas eu erreur? Peut-il y avoir eu erreur? Le docteur Charles Attant dirait qu'il n'était pas en bonne santé. Oui. Mais moi, je reviens avec un être en bonne santé. OK. Le docteur Charles Attant, il lui a dit la veille qu'il était en parfaite santé. Le lendemain, il est mort. N'y aurait-il pas eu erreur de la part d'une certaine femme, dans certains cas, qui ferait en sorte que quelqu'un qui ne devrait pas mourir à l'âge de 25 ans ait un arrêt cardiaque, que le corps vital quitte le corps physique. Ce qui constitue, ce qui amène un arrêt cardiaque. Bon. Oui et non. Premièrement, ça dépend de ce que notre individu de 25 ans va vivre dans l'astral pendant son sommeil. Bon, il peut rencontrer des aides contrôle qui vont le bousiller. Il peut aller faire un cauchemar tellement terrible qu'il peut mourir d'un arrêt cardiaque. Il peut s'extra-conscientiser d'une façon telle qu'à un moment donné, il ne retrouve plus son corps. Il y a un paquet de raisons. Il faut comprendre que l'humain est laissé à lui-même pour la majorité. Le contexte manipulatif, là, c'est un contexte limitatif en réalité. On ne te dit pas que tu dois faire ça. Tu ne peux pas faire autrement. Étant donné que l'humain est dans un contexte laissé à lui-même, il y a des êtres en parfaite santé, en parfaite forme qui peuvent mourir. Ils ne cherchent pas de raison, il n'y a pas de raison. C'est un vrai foutu bordel. Tout est mécanique. Tout est mécanique. Tout fonctionne selon le taux vibratoire. La mécanique fonctionne selon le taux vibratoire par la loi d'attraction. On pourrait même dire selon les taux vibratoires des différents corps. Ça. Mais dans les plans parallèles, il y a des formes qui viennent bousiller certaines choses pour l'homme. Oui, mais ça fait partie de la même mécanique. Oui. C'est une mécanique plus globale, de différents plans, où on vient te bousiller de la faire. C'est en dernier lieu, c'est l'homme qui paye pour. Non. Pour l'homme, en dernier lieu, c'est l'homme qui paye pour. Mais c'est pour lui que je parlais. Oui. Mais pour un autre monde, à un moment donné, où on va chercher une imagination, une idée ou quelque chose dans le genre, on le cristallise aussi, on l'amène ici, puis en dernier lieu, pour eux autres qui perdent. Je parle d'erreur pour celui qui ne se réveille pas, là. Ah, lui, c'est sûr que c'est un problème. S'il se réveille mort, là, Effectivement, c'est un problème. Sauf qu'il faut comprendre, c'est que du point de vue humain, le cosmos n'en a rien à foutre. La personne de 85 ans est encore en vie. Exact. Le cosmos, lui, il n'en a rien à foutre. Ça, c'est important de comprendre l'idée que c'est entre nous que ça se passe, puis que nous pouvons nous entraider. Puis, mais le cosmos, il n'y en a rien à cirer, il n'y en a rien à foutre, ça ne le regarde pas du tout. Parce qu'il n'y a pas de volonté. La volonté est en arrière des voiles de la grande lumière. Ouais, tu connais la porte du paradis, tu dis, hey, vous êtes trompé de gars. Ils vont te dire, écoute, belle, puis je suis là. Tu rentres. Tu te poses sans problème. Rien. Pourquoi, par exemple, lorsqu'un gars fait une fille, fait une folie avec son automobile, puis va heurter quelqu'un d'autre, un autre automobile, c'est quasiment toujours ceux qui n'ont rien à voir là-dedans qui sont les plus blessés ou ceux qui meurent. Ça, c'est la Terre. Quoi, t'as frappé quelques derniers mots? On m'a mis des pensées assez drôles. Moi, ouais, il y a un sujet, Daniel, que j'aimerais aborder. Qui est totalement différent. J'ai apporté ici un magazine santé, juillet-août 1987. Là-dedans, on parle de zoothérapie. Zoothérapie, c'est ça. Je vais faire ça bien vite, je vais juste dire brièvement de quoi est-ce qu'on parle. Il est maintenant reconnu qu'il influe sur notre santé mentale et physique, on parle des animaux naturellement, et qu'ils peuvent se révéler des alliés précieux quand on les adopte à des fins thérapeutiques. Les animaux domestiques connaissent une popularité grandissante. En Amérique du Nord, plus de 75 millions de personnes ont au moins un chat ou un chien, sans compter ceux qui élèvent poissons, oiseaux, rongeurs, reptiles. En France, plus de la moitié de la population possède un animal domestique. Plusieurs chercheurs ont tenté d'expliquer ce phénomène et en sont venus à la conclusion toute simple qu'il existe des liens naturels et bienfaisants entre les humains et les animaux. Je vais sauter plusieurs paragraphes. Là. Non, c'est intéressant, mais j'ai... Ah, OK, oui, celle-là, je suis censé le lire. La présence d'un animal dans notre vie a des effets mesurables tant sur notre santé mentale que physique. C'est ce que révèlent les études menées par le Center for Interaction of Animals and Society à Philadelphie et par le Center of the Study Human-Animal Relationship and Environmental à Minneapolis. Qu'il s'agisse d'un chien, d'un chat, d'un canari ou même d'un poisson rouge, l'animal de compagnie nous assure un meilleur équilibre en nous apportant un réconfort moral et affectif. Mais il joue un rôle encore plus important pour les personnes qui vivent une période difficile, qui éprouvent des problèmes relationnels ou de communication ou qui souffrent d'isolement ou d'insécurité. En plus de leur offrir une sécurité émotive, les animaux domestiques les aident à combattre la solitude et leur donnent un sentiment de confiance et d'estime de soi. Selon le psychothérapeute américain Boris Levinson, les animaux nous aident à acquérir un meilleur équilibre émotif, ce qui représente un bouclier efficace contre la maladie. Il a été aussi démontré que le simple fait de caresser un animal abaissait la pression artérielle. Le docteur Buster de l'Université de Washington va même plus loin en affirmant que les relations privilégiées que nous avons avec notre animal favori modifient notre pouls et augmentent notre production d'anticorps. Quant au docteur Erika Friedman de l'Université de Pennsylvanie, elle croit que les animaux de compagnie contribuent à diminuer le stress, à réduire les troubles nerveux et même à les prévenir. OK, si on prend ce que je viens de lire comme étant pas mal juste, qu'est-ce qui se passe au niveau occulte pour que, justement, le pouls se régularise, que les troubles nerveux diminuent, ainsi de suite, tout ce que j'ai nommé. Ce qui passe simplement, c'est que l'animal sert de... Un être humain qui a la capacité de se désinhiber, c'est un être humain qui se dirige nécessairement vers la santé, puis l'animal permet à un être humain, un homme, une femme, un enfant, poigné, d'arriver à une désinhibition. La désinhibition, c'est lorsque tu laisses circuler l'énergie, donc lorsque tu cesses de la capter, de la ramasser, puis de la bloquer, puis de vouloir la canaliser. Lorsqu'un être humain... Bon. L'être humain qui est libéré avec son animal n'aura pas ces résultats-là. On parle de quelqu'un qui va aimer l'animal, donc qui respecte l'animal. Bon, quelqu'un qui ramasse un chat, puis qui joue avec de même, et qui s'en fout, sa pression artérielle ne baissera plus rien de ça. Bon. C'est le chat, d'ailleurs. Maintenant... On parle donc d'amour. L'amour, c'est quelque chose qui, si elle est désinhibée, donc elle va respecter l'animal. Ton petit oiseau, tu vas y acheter ce qu'il a besoin, tu vas le prendre s'il veut venir, s'il ne veut pas, tu le mets à sa cage, tu n'exigeras jamais qu'il t'aime. Sauf qu'en être humain, on exige. Entre être humain, on est libéré, on exige. Ton chien ne t'aime pas, tu lui donnes-tu des claques pour qu'il t'aime? Tu vas dire, bien, il ne m'aimera pas plus. Mais entre êtres humains, on se fait extrêmement mal pour obliger l'autre à t'aimer. Tu vas être jaloux, tu vas y faire la tête, tu n'y parleras plus, tu vas l'envoyer promener, tu vas faire des menaces. Est-ce que je peux, à ce point-ci, arrêter justement parce que c'était l'objectif pourquoi j'ai amené ça ici? Lorsque ça se produit, Daniel, on sait que l'homme est astralisé. L'énergie est colorée par son cerveau. Est-ce que la manifestation de l'astral animal n'a certainement pas les mêmes lois que la manifestation de l'astral humaine, mais lorsque ça passe par un animal, ils sont plus capables, les autres formes ne sont pas capables d'utiliser la forme de la même façon qu'ils vont utiliser un homme. Exemple, justement ici, on dit que ce qu'on dit aux enfants, là, dans certains cas, la prochaine fois que vos enfants se chamailleront, dites-leur qu'ils dérangent le chien ou le chat. Vous détenez peut-être une recette miracle pour mettre fin aux cris et aux larmes. Là, automatiquement, l'astral avait main basse sur la bonne femme ou le bonhomme. Oui. Et en passant par le chien, ils sont plus capables. Bon. Ça, ce qui arrive surtout, c'est que l'animal n'a pas d'ego humain. Puis un ego attire un ego. Si moi, je veux parler à mon chat, si mon chat veut rien savoir, je peux rationaliser en disant, « Ah, les mots du chat, c'est-tu bien? » Le chat veut rien savoir de toi. Si je suis plus désinhibé avec moi-même, quand je m'approche de mon chat, je vais le flatter un peu, puis s'il s'en va, je vais trouver correct que le chat s'en aille s'il ne veut pas. Le peu d'ego qu'il y a dans le chat ne peut pas amener et raviver mon ego. C'est sûr que si je m'aime vraiment pas, je vais préférer un chien, considérant que les chats sont épais. Parce que je ne pourrais pas têter le chat autant que je peux têter mon chien. Si tu prends, par exemple, l'exemple des enfants, c'est que les enfants, eux, ont une tendance, tous les humains auront qui aiment leur animal. C'est sûr que si c'est un chien qui n'a rien à cirer, ils vont continuer à chamailler pareil, le chien, ça ne les dérange pas. Si c'est un chien qu'ils aiment, tu pourrais même dire ça d'un pitou. Okay? Ou encore, vous dérangez le petit Jésus. Ça marche. L'idée, c'est que si ce qu'il dérange ou si la relation affective, tu peux la canaliser vers un animal, on va dire un animal dans le cas de la zoothérapie, qui n'a pas suffisamment d'ego pour raviver le tien, tu permets une désinhibition s'il y a de l'affection. Et ce que je veux dire par là, moi, c'est que toi, par exemple, si tu t'entends aussi bien avec ton ami, ta femme, qu'avec ton chien, tu t'en vas vers une santé accrue, vers une taux énergétique accrue, etc. Vu que ton ami a un ego, elle va raviver ton ego très régulièrement et tu vas faire la même chose. De ce fait, c'est pourquoi je dis qu'on doit se désinhiber et arriver à s'en égoïser. Si par contre c'est avec ton chien, ça va être mieux. Bon, pourquoi? Parce que le chien n'a pas un ego qui va raviver le tien. Donc, vu que ton ego ne peut pas venir s'exprimer et que là, toi, c'est une nourriture énergétique que tu vas chercher, en l'occurrence, par le canal de l'affection au lieu d'être par le canal du système digestif. L'affection, c'est un canal au même titre que la bouche, l'estomac, etc., pour le niveau du système digestif. Tu vas aller t'alimenter énergétiquement sur ton animal. Le gros de l'affaire, c'est qu'une grande partie de l'alimentation que tu vas récupérer, que tu vas être capable de prendre avec ton animal, va venir de toi. Tu vas laisser couler ton énergie, tu laisses, vu que maintenant tu es désinhibé avec l'animal. Exemple, sors de ta douche tout nu, c'est ton chien qui est là, ça ne dérange pas. Tu es désinhibé. Ton serin, ton chat, ton poisson rouge, ça ne dérange pas, tu es désinhibé. Et quand je parle désinhibé, ce n'est pas libéré. C'est que tu ne te sens pas violé dans ton espace vital. Bon, tu vas te mettre à pleurer, ton chien là, il n'y aura pas de problème. C'est sûr, ce chien se met à pleurer plus fort que toi, vu qu'il y a... Non, ce qui va arriver. Mais ça peut être, mettons, tu vas désinhiber avec ta femme, puis tu te mets à pleurer, puis tu l'atteins, tu vas arrêter. Même chose que pour ton chien. Mais ce que je veux dire, tu vas te laisser être. Tu as le goût de chanter, ton chien dans la maison, tu vas chanter. Mais si c'est un humain, tu ne chanteras pas nécessairement. Tu as le goût de t'habiller d'une façon particulière, tu as joué avec ton chien, tu as le goût de t'évacher à terre en écoutant la télévision, ton chien vient, ton chat vient, ne dérange pas. C'est quelqu'un d'autre, t'asseoir dans ta chaise. Parce que tu es désinhibé avec toi-même, tout en ayant la possibilité d'une relation affective avec un être vivant. De très bon niveau, la relation affective, mais habituellement, tu n'en as pas. Donc, ça devient un très, très bon niveau quand tu n'en as pas. Une personne âgée qui est seule, une personne malade, une personne dépressive, si elle peut vivre une relation affective, c'est de très bon niveau. Ça serait beaucoup plus énergisant si elle pourrait la vivre désinhibée avec un être humain. Sauf que parce que l'être humain a des égos, les égos ne veulent pas que l'humain avance, les égos ne veulent pas que l'humain bouge, bien nécessairement, il y a toujours des guerres d'égo, les entités viennent te manipuler au maximum. Une entité peut manipuler un chien, mais ça ne grimpera pas ton égo. Donc, ne grimpant pas ton ego, c'est beaucoup plus ton rayonnement qui va venir imbiber le chien. L'astral ne peut pas rester dans un chien qui est imbibé de l'énergie d'un être humain qui l'aime. Fait que l'astral n'a pas de touche. Elle peut toucher un chien et l'envoyer tuer quelqu'un. Bon. Sauf que si tu es dans un cadre imbibé, comme par exemple un chien qui attaque un enfant qui est tué, si le maître est aimant et le maître est présent, le chien ne sera jamais manipulé pour aller tuer un enfant. Bon. Même si l'enfant vient jouer, prendre des affaires du chien, etc., ça ne fonctionne pas. Mais si le maître n'est pas là, même si le maître est correct, si le maître n'est pas là, selon la génétique du chien, puis un enfant se pointe, ça peut être une raison pour qu'une entité rentre dans le chien puis vienne tuer l'enfant. Comme ça pourrait rentrer dans un adulte, tuer l'enfant aussi. Une entité du monde de la mort, humain. Une entité humaine. Humaine. Oui, il va rentrer dans un animal. Ne viole-t-il pas une loi lorsqu'il rentre dans un... Non, il ne viole pas une loi parce que ton chien est suffisamment imbibé de la présence de l'humain que ton chien est humanisé. Donc, il n'y a pas de problème. Mais ça ne rentrera jamais dans un loup. Si un loup tue un enfant, c'est que le loup allait dans une loi naturelle de protéger son territoire, etc. Il va être possédé par l'âme. Il peut être possédé par l'âme des loups. Exact. Mais là, ce n'est pas une entité dégueulasse comme on en retrouve souvent chez l'humain pour aller faire un truc pour que l'autre souffre et qu'il y ait, etc. Là, bon, c'est pas ça qui se passe. Donc, si l'humain est désinhibé convenablement, l'humain va apprendre à se nourrir énergétiquement, émotivement, affectivement, de plus qu'un corps, comme il mange plus qu'un aliment pour avoir un équilibre physique correct. Parce que dans l'astral, on t'oblige à te nourrir d'une seule personne. Au mieux, si tu as des enfants, c'est la même génétique, c'est le même sang, tu pourras te nourrir et affectivement de ta femme et de tes enfants. Puis encore là, pas trop, parce que Jaquita, qui est une entité qui maintient la jalousie, vient se pointer immédiatement, on te barre carrément. Si tu as un animal, la femme peut être jalouse, l'homme peut être jalouse, les enfants peuvent être jaloux, l'homme peut être jaloux. Sauf qu'au niveau, toi, si tu te pousses avec ton enfant, quand tout le monde est jaloux, vous sentez mal tous les deux. Si tu te pousses avec ton chien, tu te sens mal, pas le chien. Puis à un moment donné, vu que le chien reste pur du point de vue affectif, il ne se sent pas coupable là, que tu aies chicané avec ta femme, bien, tu peux aller, tu peux te rapprocher, lui parler, puis tout ce que tu vas dire ne peut pas le planter. Donc, tu vas être capable de redevenir désinhibé, de redevenir mieux et bien, puis ton énergie par l'intermédiaire du chien va commencer à circuler. Si tu pouvais rencontrer quelqu'un d'autre qui n'est pas touché et avec lequel tu vas pouvoir vivre une relation affective sans penser que ça va détruire ton couple, et l'humain est bâti comme ça, si tu aimes deux femmes, tu perds les deux femmes. Pourquoi? Parce que c'est illégal sur la planète Terre que tu sois heureux. Ça, c'était ça... Si tu es heureux, tu viens à l'encontre d'une loi. C'est illégal. Et toutes les mécaniques astrales sont là pour t'empêcher d'être un illégal. Alors, ils vont envoyer des entités astrales, ils vont envoyer tout ce qu'il faut, un photographe, un témoin, ils vont faire en sorte que ta femme va dévier, avoir un accident, se ramasser au garage du coin pour te voir à travers la fenêtre, parler au restaurant avec la voisine. C'est illégal que tu sois heureux. Avec l'animal, ça reste illégal, mais étant donné que c'est une relation de bon niveau, ça n'a pas, presque pas été prévu par la loi astrale qui oblige l'humain à être défaite. Parce que si l'humain n'est pas défaite, l'humain avance vite. Puis l'astral se nourrissant de l'humain, il ne faut pas que l'humain avance. Pas vite, il ne faut pas que l'humain avance du tout. Il avance malgré tout. Bon. Alors, la zoothérapie est utile parce qu'elle fait en sorte que, n'étant pas capable de vivre une relation affective désinhibée avec un être humain, tu vas pouvoir en vivre une de bon niveau qu'un animal. Bien, nécessairement, la circulation d'énergie va se remettre en branle. Psychologiquement, on te restabilise, physiquement, on peut te guérir, mais ce serait mauditement plus efficace si tu avais la capacité de connaître 2, 3, 4, 15, 20 humains avec lesquels tu peux être aussi bien qu'avec ton chien, sans déranger l'autre chien, ou sans déranger l'autre ami, ou ta femme, tes enfants, ou etc. Tu serais en santé. La vraie guérison, quand on prend les guérisons spirituelles, par exemple, la personne rentre dans une église, elle est malade, parce que tout le monde, subitement, elle l'aime. Elle guérit. Elle a une relation affective au niveau du plan astral. On restructure son astralité, ça restructure sa vitalité, donc ça replace le plan physique. Sauf qu'après deux, trois miracles, tout le monde veut tellement l'avoir pour lui, son miracle, qu'on ne peut plus aimer la personne gratuitement comme on le faisait avant. Autrement dit, et ça fait longtemps que on sait ça, un enfant qui est un être humain malade, s'il pouvait être placé dans un contexte, une ferme par exemple, ou dans un endroit où il y a plusieurs animaux qui viennent le lécher, qui viennent se coller sur lui, qui viennent le caresser, la personne va aller vers une cure très rapide, une cure complète, là. Pas juste une amélioration partielle, elle va aller vers une guérison. Sauf qu'on n'a pas d'animaux suffisamment dressés. Mais on connaît, par exemple, l'enfant qui est à l'hôpital, et puis à un moment donné, s'il revient chez lui, juste le contexte astralisé de la maison va l'aider à guérir. Aujourd'hui, on sait que si les parents peuvent le voir à l'hôpital plus souvent ou rester dans son entourage, ça va l'aider. Mais si tu pouvais amener son chien, son chat ou son oiseau à l'hôpital, bon, ça serait très, très, très différent. Alors, c'est pourquoi, là, ce qui va arriver, c'est que l'humain, ne comprenant pas le principe de la multiple alimentation affective, tu manges juste des carottes, c'est bon pour la santé, tu vas finir par être malade. Il te manque des pommes de terre, il te manque d'autres choses. Alors, on mange varié. Au niveau affectif, tu ne nourris que d'une femme ou que d'un homme, et tu vas finir par être dans le même problème. Astralement, tu deviens malade. Alors, tu dois te nourrir de 25 femmes, de 25 hommes. À moins que ton compagnon ou ta compagne soit très élevé vibratoirement. S'il est très élevé vibratoirement, tout ce qui va arriver, c'est que tu es capable de te nourrir de d'autres. Tu ne pourras pas te nourrir juste d'une seule. Mais s'il y a une harmonie, disons que c'est un couple... Tu vas te nourrir de d'autres. Tu vas rencontrer des amis, tu vas être bien avec eux, tu vas leur toucher, tu vas être correct. Tu vas avoir des enfants dans ton entourage, tu vas être bien avec eux. Tu vas avoir un chien, tu vas être bien avec lui. L'autre, s'il est évolué, ne te nourrit pas au complet. Il te permet de te nourrir. Alors ça, c'est une vision astrale qui dit que, qu'on devrait... Oui, mais si tu as la bonne personne, tu n'auras jamais la bonne personne. Bon, l'aliment miracle, tu prends, mettons la spiruline. Ça, prends-en, juste ça, ça va. C'est faux. C'est génial, c'est bon. Mais tu auras besoin de d'autres choses. Alors, c'est une vision astralisée que le couple, si tu as la bonne personne, tu vas être parfait. C'est tellement faux que la femme aura besoin d'avoir des enfants à un moment donné, ne pouvant se permettre astralement d'aimer d'autres, avec des enfants, ben, le bonhomme devrait comprendre que tu aimes les enfants. La bonne femme devrait comprendre que tu aimes les enfants. Mais tu as besoin de d'autres aliments. À un moment donné, veut pas, le gars, il commence à sortir ailleurs, la fille, elle cherche d'autres affaires ailleurs, et c'est tout cristallisé, tout problématisé, on ne peut pas se nourrir. Et on devient malade, on devient stressé, etc. J'ai déjà dit dans une conférence que la santé parfaite va nécessairement passer par la nudité. Bon, puis, mais pas, tu te mets nu, tu es en santé, c'est pas ça. Ce que je dis, c'est, puis on pourra revenir à un moment donné là-dessus, mais nécessairement, l'harmonisation du corps astral, du corps vital, du corps physique, passe par une relation affective qui ne peut pas être bloqué, qui coule. Avec la zoothérapie, on s'autorise à aimer parce que les entités humaines ne peuvent pas être présentes dans l'animal que tu vas aimer et difficilement dans l'intellect astral des individus. Par exemple, toi, si tu embrasses ton chien 2-3 fois, la femme qui est avec toi ne sera pas jalouse. Mais si tu rencontres une femme que tu aimes bien, ta secrétaire, une amie, n'importe quoi, tu l'embrasses 2-3 fois, à coup sûr, dans 98% des cas des humains, ta femme va vivre un problème. Et là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'arranger pour... Puis Jaquita est une entité très vicieuse. C'est que c'est pas juste, c'est pas que moi, je ne l'ai pas. Jaquita, qui manipule une entité, va s'arranger pour que toi, tu ne l'aies pas non plus. Mieux vaut qu'on soit tous les deux malheureux que toi heureux. Si je suis manipulé par Jaquita, qui bâtit la jalousie. Alors, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est qu'avec la zoothérapie, mais ça, c'est très animal comme phénomène, on doit développer une compréhension de ce que c'est que l'affection en fonction de la vie, de la santé des corps et de l'arbre du bonheur, de la joie. Ça veut dire que si, par exemple, ma mère me dit « tu manges des pommes », ben, je mange des pommes, c'est heureux. À un moment donné, je suis infidèle. Elle me prend avec une carotte. Puis là, c'est la colère, là, je suis en punition. C'est ça, l'amour humain actuellement. Alors, toi, tu vas te tenir, par exemple, avec ton ami, et à un moment donné, tu as besoin de l'énergie d'un autre. Gars, femme, enfant. À coup sûr, ça va te permettre, ça, de restaurer ta santé. À coup sûr, ça va te permettre d'être plus vibrant. D'ailleurs, elle va le voir. Si tu manges juste des pommes, la journée, tu prends des carottes, qui est un peu mieux physiquement. Tu ne seras pas en parfaite santé, mais c'est un peu pareil. Alors, si tu es toujours avec la même femme, puis qu'à un moment donné, tu sors avec une autre, une soirée, quand tu reviens à la maison, tu as les yeux étincelants. C'est... Pourquoi? Parce que tu viens d'aller chercher une alimentation qui te manque depuis longtemps. Et qu'est-ce que la personne va faire, elle? C'est que Jaquita la ramasse et les gens qui te présentent. Elle, c'est la plus grande limitatrice de l'émancipation humaine. Alors, elle attend, puis ta femme, te voyant heureux, devrait être heureuse. Elle devrait bénéficier de ton énergie. Puis comment ça a été? Tu es tout heureux. Tu vas avoir tout ce qu'il faut pour elle ce soir. Tu arrives heureux. Ça serait d'un emploi. Tu rencontres un de tes vieux amis. Ça peut être un gars, ça ne change rien. Mais la femme va être jalouse. Elle va pas que tu rencontres encore ce gars-là. Elle va pas que tu rencontres encore cette femme-là. Ou que ton emploi, tu l'aimes trop. Elle n'aimera pas ça. Pourquoi tu es heureux? Elle va crocodile. Ah oui, hein? C'est parce que tu as vu l'autre, tu te fais pardonner, là, que tu m'amènes au restaurant à toi, que tu m'achètes et que tu me fais un petit massage. Je ne vais pas me faire pardonner, je suis heureux. Donc, j'ai le goût de continuer à faire circuler. Mais l'entité jacquitienne va s'arranger pour que l'individu manipulé ait l'impression que tu veux te faire pardonner une faute. Parce que c'est une faute sur la planète d'être heureux. C'est illégal. Alors, l'humain, en tout cas, il y en a encore plein à faire pour que l'humain se libère de ces entités-là. Mais la santé, la longévité, procède par l'acceptation de s'alimenter d'une façon transparente avec d'autres corps physiques qui prédigèrent l'énergie différemment. Et je ne peux pas, moi. Moi, je prends une énergie, je la digère d'une certaine façon, ça ne me va pas. Et par exemple, si je prends de l'herbe, je mange de l'herbe, je ne peux pas la digérer. Si la vache mange l'herbe et que je mange la vache, je peux digérer. Donc, c'est prédigérer l'herbe. Alors, je dois, et ça, l'humain doit comprendre qu'au niveau astral, au niveau vital, les relations que nous avons ensemble, en plus d'être conscientiatives, c'est-à-dire que d'égo à égo, on peut se voir, mais elles sont essentielles du point de vue que de la nourriture des corps supérieurs au corps physique. Et ça ne veut pas. Bon, pendant longtemps, ce serait, même au niveau du plan physique, manger de telle nourriture le vendredi, pas bon. Manger du poisson dans certaines religions, dans certaines philosophies, jamais. Dans d'autres, tu ne mangeras jamais de viande. Dans d'autres, tu ne mangeras jamais de tel légume parce que ça l'amène ça. Et les individus ont souvent eu à l'échelle planétaire des régimes déséquilibrés qui ont mortifié leur chair et qui ont fait en sorte qu'on a développé une philosophie particulière en Chine, une philosophie particulière ailleurs, par exemple en Europe, uniquement parce que les corps n'ont jamais été équilibrés. Aujourd'hui, on s'en rend compte que tu peux manger, il faut que tu manges ce que tu as besoin. Mais il n'y a plus ou presque plus personne qui va dire que c'est manger juste de la laitue ou être végétarien ou être carnivore ou être ceci ou être cela, ça amène la folie, ça amène ceci, ça amène cela. Alors qu'il y a eu un temps où on te punissait, il y a encore des pays aujourd'hui, hélas, on va te punir même jusqu'à la mort, si tu manges des aliments interdits, qui n'ont comme seul effet secondaire que d'améliorer ta santé. Plus émancipé, bien là, écoutez, on mange ce qu'il faut. Mais au niveau du plan vital, du plan astral, au niveau de la nourriture énergétique à ces niveaux-là, on est encore très, très, très barbare. On ne veut pas. Alors, quand tu rencontres ton neveu, ta nièce, tu es bien avec, tu veux t'en rapprocher, toutes les structures de culpabilité, de ceci, de cela, de déviance, d'anormalité, vont t'empêcher d'aller te nourrir. Ou la jalousie des parents, l'incompréhension des parents, donc de ton frère, de ta soeur, etc., de ton frère, belle-soeur, ou de ta femme, ou de tes propres enfants, qui vont avoir l'impression que tu es délaissé parce que toute l'année tu étais avec eux, mais aujourd'hui tu es toujours un autre. Une, et c'est Chakita. Le bonhomme risque d'être heureux. On va tout faire pour que ça ne marche pas. L'enfant, ce sera la même chose. L'enfant dans la maison qui aime mon oncle ou ma tante, qui saute dessus, qui les embrasse, les parents se sentent mal. Pop! Là, on va dire, la rationalité va être crime. Il me délaisse. Ouvre tes yeux. À l'année longue, il est là. T'sais, un enfant qui te délaisse, ce n'est pas un enfant qui aime quelqu'un d'autre. L'enfant qui te délaisse, c'est un enfant qui te délaisse. Il ne te parle pas, il ne veut rien savoir, il t'envoie promener tout le temps, mais on parle tout le temps. Il te délaisse. Mais immédiatement, le parent ne peut pas se fier à ce qu'il sait de l'enfant ou à ce qu'il sait de lui. Il aime quelqu'un d'autre, tant mieux. Il va se nourrir. Le parent qui rationalise va dire, c'est bon qu'il aime quelqu'un d'autre. De temps en temps, il va aller chez lui, on va la paix. Il faut bien qu'il rationalise pour son égo. Puis quand l'enfant vient, l'enfant est heureux. C'est sûr que l'enfant est heureux. Mais l'enfant n'est pas plus heureux là. L'enfant s'alimente, il s'alimente. Les adultes, c'est la même chose et on ne veut pas. Alors, à un moment donné, on a accepté qu'entre hommes, vous pouvez aller vous alimenter, on s'en va à taverne. Puis entre femmes, on fait de couture, de broderie, mais on peut s'alimenter. Mais la femme n'a pas le droit d'avoir des amis masculins. Alors que très souvent, ça va être dans l'autre sexe que tu vas aller ramasser la plus grande synergie alimentaire. À un moment donné, entre deux femmes, t'en ramasses. Entre deux hommes, on en ramasse. Mais on peut aller en chercher plus souvent dans l'autre sexe. Puis on ne parle pas de relations sexuelles là-dedans. Là. Et parce que l'humain n'est pas capable de se nourrir de la présence de l'autre, jamais, il finit par souffrir tellement de voir le gâteau qui est là. Il peut être capable d'en prendre pas un paquet de principes astro qui l'empêchent d'avancer, qu'à un moment donné, il va y aller dans le sexe, parce que dans le sexe, tu te libères. Libéré en pas grand temps, tu ramasses un peu d'énergie, t'en perds, t'en ramasses, t'en perds, tu en as beaucoup, t'en ramasses ce qui t'en manquait, et c'est fait. avec tous les problèmes que ça peut engendrer. Alors, de ce fait, l'humain va toujours canaliser sa problématique. Même chose chez l'adulte qui ne peut pas arriver à aimer un enfant. Souvent, on a des adultes, à un moment donné, qui vont finir par les violer ou les violenter. Ce sera la même chose. Et très souvent, l'homme, la femme s'auto-violent régulièrement chez eux. La femme ne peut pas faire l'amour, le bonhomme, il veut, mais on destin viole. Pas inconsentante, elle ne voulait pas. Il y a même un terme qui est faire son devoir conjugal. Bon, c'est ça, faire son devoir conjugal. Alors, on parle bien de viol. Sauf que les entités et l'ego humain permettent ça, parce que si l'humain n'est jamais alimenté de personne, il finit par mourir. Bon, sinon, il va être alimenté dans l'astral. Le moine qui est tout seul, on sait que souvent, ils deviennent homosexuels. Ils auront besoin d'alimentation. Pas sexuelle. Une alimentation où tu permets l'amour entre deux êtres. Sauf que l'amour entre deux êtres, dans le contexte humain, n'existe pas autre que par la relation sexuelle. Avec l'animal, tu peux te désinhiber, le flatter, lui embrasser la bédaine, les petites pattes à ton chien, si tu veux. C'est une grosse bédaine, là. Tu peux jouer avec lui, tu peux chatouiller les oreilles, le chien aime ça, il n'y a personne qui va trouver que tu es un déviant. Oui. Et surtout, tu peux aimer l'animal inconditionnellement. Parce qu'avec un homme, tu peux pas faire. Je veux dire qu'avec l'homme. Tu devrais pouvoir le faire. Oui, mais ça ne s'est pas fait sur la planète. Attends. Ça ne s'est pas fait parce qu'il y a d'autres. Si tu avais 25 chiens. C'est les égaux qui sont. La jalousie. La jalousie, c'est ce qui. Non, pas vrai. C'est que aimer quelqu'un inconditionnellement, ça te rend heureux, ça te nourrit. C'est illégal sur la planète. Étant donné que c'est illégal, il y a toute une panoplie de policiers astro qui viennent te culpabiliser, te rendre jaloux, il y a tout un amanchure où on va te dévier. Pour que tu fasses un paquet de trucs qui vont être jugés par tes pairs, qui vont être. Tout est organisé pour toi. Parce que l'astral peut posséder l'être humain. Disons que tantôt tu parlais qu'il chicane, un couple qui chicane. Lorsque la chicane avance, les deux deviennent de plus en plus possédés. Si un chien arrive, ton chien, il arrive de l'extérieur, là, il n'était pas au courant que la chicane, il arrive en plein milieu de la chicane, ils ne peuvent pas le posséder. Il sera pas mental, mais son instinct, il est neutre. Mais il va venir séparer la chicane. Lui, il va tout faire pour un bon chien, là, qui... Oui, lui, ce qu'il va faire, tout faire. C'est que lui, ce qu'il veut, là, c'est qu'il veut retrouver son maître. Toi, quand tu es en train d'engueuler ta femme, tu n'es pas là. Le chien, quand il rentre, il voit le corps physique, puis là, il veut son maître. Alors, il va faire... Le toi, parce que tu aimes désinhiber ton chien, si ta femme l'aime aussi, la même chose, vous allez avoir l'énergie qui manquait pour revenir dans votre corps physique, rejeter la possession, puis là, vous allez vous occuper, le chien, parce que le chien devient précieux, parce qu'on peut désinhiber, travailler avec lui. Le chien, ça continue, la chicane continue, puis le chien, il a broyé, il va venir s'interposer entre les deux, puis il peut japper, il va pousser, il va tout faire pour empêcher. Il n'est pas possédable par l'astral pour mettre de l'huile sur le feu. Non. Dans 99%. C'est-à-dire que, c'est ça, les lois permettent... C'est-à-dire que ce qui s'adresse, il ne faut pas que ton chien ait un égo humain. Donc, il y a un petit peu d'égo humain. Dans certains cas, le chien va venir prendre la partie d'un. Okay. C'est ça, il faut que l'animal soit très proche de l'humain. Oui, puis en même temps, il faut que il faut qu'il y ait une relation désinhibée entre le maître, les maîtres et l'animal. Le chat va faire la même chose, l'oiseau va réagir à sa façon, évidemment. Quand on bouge, il se promène, on ne voit rien, mais il fait ce qu'il peut, lui, là. Puis ça, c'est un mot du problème, c'est que c'est illégal sur la planète d'être bien, d'être heureux, de réussir. Ouais. C'est illégal. C'est illégal. Il y a plein de lois qui gèrent le concept. Pourquoi que c'est comme ça? N'est-ce pas pour justement faire souffrir l'âme? Non, il y a d'autres raisons. C'est-à-dire, par la souffrance, amener l'évolution. Parce que les lois qui gèrent l'humain, là, c'est que j'en parle dans une conférence, je ne sais pas si c'est fait, mais en tout cas. Prends pas de chance. Je pense que ça va être amené. En tout cas, ça va être prochainement parce que c'est dans le. Mais c'est pas pour que l'homme... Ben, c'est pas pour que... Regardez, c'est pas pour que l'homme souffre, c'est pour qu'on puisse s'alimenter de la souffrance humaine. Ben, par exemple, si je coupe un légume, c'est pour manger. C'est pas pour couper le légume. Fait que les entités sont pas là pour que l'homme souffre. Non, mais c'est pour l'homme faire... souffre, pour qu'il se pour que... Oui, c'est ça. Et nous, ce qu'on fait, au lieu de se nourrir entre nous, on nourrit les entités. Au lieu d'haïr les entités, on s'haïr entre nous. Daniel, on commence à peine de réaliser qu'on n'est pas tout seul sur la planète. Ah, je sais pas, moi, ça fait longtemps. Ah, mais c'est récent. C'était pas 85 ans, là. Bon. Un peuple... Je l'ai apporté au cas que tu n'aurais pas su quoi dire. En France, exemple, Daniel, ça fait des années qu'ils sont très proches des animaux. Est-ce que ça reflète... Ça, on l'avait remarqué. Ils sont très proches. Non, mais pas l'entendre que vous avez dit. Qu'est-ce que ça signifie comme peuple? Un manque de compréhension au niveau des humains qui vont chercher chez l'animal ou un signe d'évolution, un signe d'évoluer? Ça fait un signe d'évolution avec un signe d'inconscience. Plus l'humain évolue sans la conscience, plus l'humain se rend compte qu'il a besoin. Alors, on a inventé aux États-Unis pendant que l'Angleterre, on commençait avec les États-Unis, on a inventé les communes, on a inventé les... Ce qui se passait là-dedans, c'est qu'on essayait d'aller se nourrir sur d'autres plans affectifs. Parce qu'on n'a pas, pas de conscience, on ne se rend pas compte qu'on se fait ramasser. Alors, c'est pas long que ça devient de la libération plutôt que de la désinhibition. Après ça, toutes les communes qui sont essayées dans le monde, essayaient de dire quoi? La majorité des communes, on ne parle pas des sectes, des communes, c'était de partager. Partager veut dire, et c'est humaniser, donc sans conscience, ça crée des problèmes, c'est partager notre énergie. Eux, au lieu de cela, partageaient ton verre, ton char, c'est mon char, ta femme, c'est ma femme, etc. Partageait la matière. Alors que l'idée, dans l'avenir, nécessairement, les communications sont désinhibées. On va y aller, veut pas. L'humain veut pas. L'humain va y aller. Il y en a qui vont prendre bien du temps, mais qu'on prend moins de temps. Il y a eu les communes. À un moment donné, légalement, on sait ce qui s'est passé. Alors, progressivement, on va se diriger vers la zoothérapie, c'est-à-dire vers le contexte animal. Mais de tous les temps, ça a toujours été comme ça, où l'humain a pu être près des animaux. Mais prends, c'est toujours une nuance entre faire une chose sans conscience, faire la même chose avec la conscience. Marcher sans conscience, ça te garde en santé. Marcher avec la conscience, ça peut aller jusqu'à te rajeunir. C'est bon, deux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une grosse nuance. Faire du yoga en écoutant de la musique, faire du yoga en étant content de ce qu'on est, c'est totalement différent. Prendre les médicaments en sachant ce qu'on fait, prendre les médicaments inconsciemment, les deux vont guérir, l'un guérit tout de suite. Une personne qui est malade, tout le monde ici, tout le monde est pas, il n'y a personne qui est réellement en santé. Ils sont tous porteurs de souches de maladies, et dépendamment de leur stress ou de leur malheur, les maladies vont apparaître. On est bourré de bactéries, de virus, de conneries, de cancer, de congrès. Et ça, ce n'est pas un problème. Sauf que l'alimentation peut affaiblir le corps et révéler une maladie, ou l'alimentation astrale peut faire la même chose, dont le stress, le manque de circulation énergétique. Quand le peuple finit par socialement avoir des problèmes à se mettre en commune parce qu'on a décidé astralement que c'était illégal, on l'a jugé, parce que c'est dangereux que l'humain y réussisse, l'humain va avoir avec les animaux. Mais tu vas voir que plus l'humain va s'approcher des animaux pour aller chercher de l'énergie, donc il évolue. Il constate le bienfait, mais il n'y a pas la conscience, donc il ne sait pas ce qu'il fait. J'ai besoin d'affection, j'ai besoin de nourriture. C'est une alimentation. Quand on va être capable, quand le gouvernement, là, quand le Canada va sortir la carte des différents aliments qu'on doit prendre au niveau astral, mais au niveau des classes physiques, il y a des cartes systèmes. Quand on fait la même chose, on a un peu de pied au chinois, qui dévoile. Écoute, tu peux ne pas aimer les produits laitiers. C'est ton choix que j'aime pas. Quand l'humain va comprendre tout ça, on va vivre beaucoup plus longtemps, énormément plus longtemps, dans des corps physiques en bien meilleur état. Présentement, dans les années qui vont venir, ça va être mal vu d'avoir des animaux, d'être près des animaux. C'est cyclique. Mais ça va revenir aussi. Si l'humain commence à se déplacer vers ça pour être bien, sans la conscience, à un moment donné, on va se rendre compte que c'est bien beau la zoothérapie, mais quand tu es rendu, que tu as besoin d'un instinct, t'en mets ta santé, tu es même plus capable d'aimer ton petit vieux fatigué qui est à côté, là. Le psychologue va aller t'expliquer que, tu sais, lorsque on se voit un peu, capable, là, est là. Là, on va t'expliquer. C'est une béquille. Non, pas une béquille. C'est essentiel. À sert de béquille. Nous, on va aller t'expliquer. Non, toi, c'est une béquille. Ta femme, ton mari, c'est une béquille. On va aller progressivement t'expliquer que c'est pas correct. Alors que présentement, on t'explique que c'est ce que tu devrais faire. Mais ça marche de même. Là, quand tu as fait un seuil de malheur particulier, on te donne. Ça commence lentement à t'amener vers le bonheur, on va te couper. OK. Les gens âgés qui sont dans des foyers ou aux hôpitaux, instituts, qui reçoivent la visite de chiens, et puis ça leur permet de baisser la pulsation cardiaque, la pression se rétablit, ainsi de suite. Ça passe par le cerveau. Il y a un équilibre qui... Ça commence pas par le cerveau. Non, ça commence uniquement par le corps astral. Par le corps astral, ok, par ça, c'est pas sûr que le physique okay. Ça va dans le corps astral. Ça passe, c'est-à-dire que l'effet se fait au corps astral, puis après ça, ça... Donne un exemple. Quand dans le foyer pour personnes âgées, quelqu'un arrive avec 3-4 chats, des beaux chiens, etc. Les personnes âgées, juste à les voir, déjà leur personne d'âge. Ça, c'est mieux. J'entends maintenant avec un troupeau d'enfants. Okay. Même résultat. Immédiatement, sensorielle baisse, tout baisse, etc. Même résultat. Ou le contraire. Non. T'as pas d'une gang d'excité. Okay? Rentre avec des chiens excités, des chats excités. Ah, même chose. La gang se met à gueuler. C'est fait d'être excité. Comparons des chiens avec des chiens. Bon. Alors, c'est la même chose. Si ce sont tes propres enfants qui rentrent à la visiter, si elle est contente de les voir, même chose. Il se passe quoi? Il se passe. Nourriture, synergie. Nous refusons de nous alimenter astralement par d'autres individus. La jalousie s'en mêle immédiatement. Nous refusons même de nous alimenter par les plus jeunes, les personnes âgées qui ne vont dire qu'ils n'aiment pas les enfants. Ils n'aiment pas les enfants, pourquoi? Parce qu'ils sont tellement structurés astralement que quand l'enfant se pointe, ils aimeraient tellement s'en nourrir, et tout le temps de leur vie, ils n'ont jamais pu s'en nourrir, que c'est d'avoir un truc extraordinaire que tu peux toucher. Alors, tu finis par te dire que t'es haï. T'en veux pas, ça dérange tout le temps, ça pue. Bon. Si c'est des animaux, il y a du monde qui vont aussi te dire la même chose. Ils veulent rien savoir des animaux. Oui. Mais là, t'en as de moins en moins. La pyramide, là, elle est plus large. On va plus apprécier les animaux, plus les enfants que les adultes, mais moins les enfants que les animaux, et moins les adultes que les enfants. En dernier, c'est ça. À part chez le corps, etc. Alors, dans ton sens, ce que je veux donc dire, c'est que c'est pas l'animal qui fait l'affaire, c'est que l'humain se donne un véhicule pour pouvoir se désinhiber et s'installer. Il y en a d'autres qui ont un paysage. Ils sont bien devant un paysage extraordinaire, un beau coup de soleil, quand chaque terrier va baisser. Ils se trouvent avec eux-mêmes. Mais c'est jamais aussi alimentaire qu'avec un animal, c'est jamais aussi alimentaire qu'avec un humain. C'était ma question. Arriver justement, ce que l'animal amène à ces gens-là, en regardant à l'extérieur s'il y a un beau paysage, ils peuvent avoir la même réaction qui va occasionner le même résultat. La pensée, s'ils entretiennent des pensées, ils peuvent arriver à la même chose. Non. S'ils sont capables d'entretenir des pensées. Non, parce que c'est une énergie, une synergisation qu'on peut faire avec toi-même. Mais tu n'as pas l'aliment. Que quelqu'un fait, par exemple, la méditation de Nel, il s'installe dans un lazy boy, et il n'y a personne qui vient visiter avec le chien, puis il fait une demi-heure de visualisation de choses qu'il sent. Alors le résultat est le même. Oui, dans 6 mois, il va faire la même chose, il n'y aura pas. tandis qu'avec l'animal, on va l'avoir en face. C'est ça, parce que là, okay, l'énergie alimentaire. C'est qu'il n'est pas bloqué par l'animal, il n'est pas bloqué par des mondes parallèles, tandis que personnellement, il va venir, il peut venir être bougé. Non, c'est qu'avec l'animal, tu vas aller chercher ton énergie alimentaire. Elle n'est pas imaginaire, tandis que de l'autre façon, elle est imaginaire. Et l'autre, tu vas lui utiliser parce qu'elle est la tienne. Et quand tu vas l'avoir tout consommé, c'est comme ton gras. C'est du gras, et à un moment donné, si tu mets ton cerveau pour t'alimenter, il va avoir le mouvement. Mais à un moment donné, tu ne pourras plus. Bon, alors c'est un peu la même chose. Au niveau affectif, on a plein d'amour caché en nous. Il y a une énergie affective cachée. Elle ne circule pas. Si tu aimes le chien, tu en libères. Puis le chien, lui, ben le chien, lui, il t'aime, il pardonne. Fait que là, tu peux t'aimer. Si tu aimes le chien t'aime, tu t'aimes. C'est toujours la même chose. Quand tu vas dire à quelqu'un « je t'aime », si tu refuses, lui, là, c'est toi qui es planté. Parce que tu ne peux pas t'aimer. Alors, tu préfères être dans l'espoir que probablement que tu es un gars aimable, donc que les gens t'aiment. Mais tu sais que tu es aimable si on t'aime. Si tout le monde t'haït, tu t'haïs. Tu ne peux pas savoir que tu es aimable si on t'aime pas. Il faut un retour d'énergie. Avec toi-même, tu vas faire fondre lentement, tu vas prendre ta fonte tes graisses astrales. À un moment donné, tu peux t'alimenter. Avec l'animal, il y a ton énergie qui part, mais il y a la sienne. Par contre, l'alimentation de bon niveau, avec un autre être humain, n'est pas toujours le même. Tu vas aller chercher différents aliments énergétiques. Qu'est-ce que tu entends par de bon niveau? T'entends par de bon niveau, ça veut simplement dire que disons que tu as un cancer à 100%, avec un chien, tu vas guérir à 10%. Avec un être humain, tu vas guérir à 80%. Par rapport au taux vibratoire? Oui, par rapport de bon niveau, c'est pas, en termes de qualité. C'est un peu comme aime quelqu'un en lui écrivant des lettres, tu as une relation affective de bon niveau. C'est-à-dire que la relation affective est profonde. Elle est belle, elle est profonde. Bon, avec le chien, elle est aussi belle qu'avec un être humain, c'est la même chose. Tu peux pas me dire, toi, là, que tu n'aimes pas, on était fort là, mais tu aimes ton chien autant que tu m'aimes moi. Dans la forme, c'est la même chose. C'est pas pareil. Je sais que c'est pas pareil. Non, pas moi, parce que c'est libé. Mais il n'y a pas de différence entre l'amour que se porter un animal ou un être humain. Quand les deux amours sont pareils, je ne sais pas si ça compte de ça, là. Mais le bien-être que tu as avec ton chien, quand tu auras un bien-être avec un être humain, tu auras deux bien-être identiques. Pour avoir le même bien-être que j'ai avec mon chien, il faut que la parole soit là. Il faut que tu sois suffisamment désinhibé. Ça en manque plus, parce qu'on est barré au niveau humain. Ce que je veux dire, c'est que c'est la même chose qui se passe. Quand tu te nourris de ton chien, si un jour tu te nourris d'un humain, c'est la même mécanique qui se passe. Donc, on peut voir, c'est sûr que l'humain aura plus de valeur pour toi que le chien. Ça n'a rien à voir. Moi, je parle d'alimentation. Par exemple, quand tu te nourris d'un coucher de soleil que tu as trouvé extraordinaire, c'est la même mécanique que quand tu nourris de ton chien ou quand tu vois faire quelque chose de bien. Vois ton chien, par exemple, faire un truc extraordinairement intelligent. C'est des gars, c'est juste ce qu'il y a à faire. Vois ton enfant de 4 ans qui commence à faire des choses intelligentes, même affaire. OK? Tout ça, c'est à choisir entre ton enfant et ton chien. Faut que lui-même ne mélange pas les choses. Mais c'est la même mécanique. Donc, tu te nourris autant, moi je vais te dire, tu te nourris autant effectivement de ton chien que de ton enfant. Mais la valeur, tu vas attacher plus de valeur à l'enfant. Mais c'est la même alimentation. Si j'ai du choix, c'est le chien pour s'en donner. Choix, la question ne pose même pas. Sauf que c'est la même mécanique alimentaire. Lui-même ne voudra pas admettre ça. Lui-même va dire, voyons donc, il se nourrit plus d'un enfant que d'un chien. Faux. Même que souvent, et la preuve est dans ta revue, tu nourris plus d'un chien que d'un humain. La présence du chien est toujours, je dirais, plus accessible que l'être humain. Parce que tu vas accepter de te désinhiber en face du chien, c'est à l'aise en face du chien. Pas seulement que ça, le chien peut être toujours à côté de toi, tandis que l'être humain, faut qu'il gagne sa vie. Oui, mais c'est pas tellement ça. Toi, c'est sûr, pourquoi tu aimes que le chien se trouve à côté de toi? C'est parce que t'es en manque d'énergie. Parce que quand tu es bien, c'est vrai que ça va bien. Ton chien il s'en va, il ne s'ennuiera pas, il n'y aura pas de problème. Et quand on est en manque, faiblesse psychologique, faiblesse physique, il faut l'infirmière souvent plus près, ou quelqu'un, ou ton chien, il faut une bande d'énergie. Quelle que soit la bande d'énergie, c'est bon de l'avoir prêt. Il n'y aura aucun problème. Des fois, j'ai l'impression que tu me parles personnellement. Mais non, on parle tout le monde. Mais je vais te dire, ce qui me fascine avec mon chien personnellement, c'est de voir quand elle manifeste son ego. Je ne sais pas pourquoi ça. Je capote là-dessus. Capoter veut dire virer sur le toit. Non, mais ça me renverse. Ça me renverse. Mais positivement ou négativement? Bien, on est dans le taux, la fenêtre est baissée, on arrive sur un coin de rue. Puis le chien dit, oh non, chien! Le chien regarde à côté, puis l'autre personne est comme ça. Fait que là, elle a son choker, elle va se branler là, pour faire du bruit. Puis là, la personne s'est levée de bord, là, elle est contente, là, qui joue à la queue branlée, elle a accompli ce qu'elle voulait. Le gars la regarde. T'sais, parce que tout le monde la trouve belle, hein? Ils sont tous... Ouais, c'est pas vrai. Jacques la trouve belle. Non, non. Les gens sont polis. Non, non, non. Le pourcentage de gens qui aiment les chiens... trouve... Ah non. Alors, on a gagné 4 premiers prix. Toutes... qu'elle méritait pas, dans certains cas. Juste par sa beauté. La beauté, c'est ce qui m'a amené à voir, justement, Daniel, que sur la planète, la beauté est très importante, pas aussi importante que l'intelligence, mais la beauté se fait presque tout pardonner. Oui, parce que la beauté te nourrit plus astralement, l'intelligence te nourrit mentalement. Moi, là, je suis un être intelligent. Si je rencontre quelqu'un qui est beau, je vais le pardonner. Si je rencontre quelqu'un qui est laid, je vais le pardonner. Si je rencontre quelqu'un d'intelligent qui est laid, il faudra qu'il soit intelligent pour que je lui pardonne. Si je rencontre quelqu'un d'intelligent qui est beau, ce soit la même chose, la beauté ne fera pas l'effet. Mais pour la majorité de l'être humain, si il est laid, on ne pardonne pas. Si il est beau, on le pardonne, on lui donne, etc. Un enfant qui n'est pas beau, qui vient t'aider un adulte pour avoir 5 piastres, là, il ne l'aura pas. Un enfant, une fille, un petit gars qui est bien beau, qui s'en vient se faire du charme, etc., elle va l'avoir. Aussi hypocrite, aussi puante, aussi ce que tu voudras, elle va l'avoir. Bon. Puis ça, c'est parce que l'humain n'a pas de conscience encore. L'humain, il se fait ramasser. Le chien, c'est la même chose. Le chien qui est beau va effectivement gagner l'humain qui n'a pas de conscience. L'humain est pris par la forme parce que l'humain se nourrit de l'onde de forme. On a été la première fois que le deuxième premier prix qu'on a gagné, là, il y avait un petit chien long. Il y avait un petit chien long comme ça. C'est ésotérique. Il y avait un petit chien long comme ça qui était dompté, intelligent à l'extrême. C'est un infirme. C'est un infirme qui l'avait. Puis il faisait faire tout ce qu'il voulait. Il a fait sa démonstration. Là. J'ai dit, c'est sûr que c'est lui qui va gagner. Ah, tout le monde a applaudi, une centaine de personnes, il y a tous les 17, les juges étaient tous pour la beauté. Ah ouais. Ça marche comme ça. Va à l'école, ça a des bonnes notes. Arrange ça pour plaire au prof. Amène-y une petite pomme de temps en temps ou des pommes de la paix, des raisins secs. Non, tu mets des raisins secs. Ça fait que l'astral... Il y a des lois différentes, du moins pour l'instant, les lois sont différentes pour les animaux que pour les humains. C'est-à-dire que non. De façon à ce qu'ils puissent utiliser. Mettons qu'il y a 20 lois pour l'animal, ces 20 lois-là sont aussi pour l'homme. Il y a 80 autres lois pour l'homme qui n'ont pas d'effet sur l'animal. Les lois ne sont pas différentes, il y a des lois qui ne concernent pas l'animal. Un peu comme le tribunal de l'adulte, le tribunal de la jeunesse, il y a des lois spécifiques. Ce que l'enfant n'a pas le droit de faire, tu n'as pas plus de droit. Mais la façon dont ça va être géré, c'est différent si c'est tel âge ou tel âge. Bon, l'animal est régi par les mêmes lois que l'humain, mais l'humain a beaucoup plus de lois qu'il régisse qui régiront pas l'animal. Qui régiront pas l'animal sauvage, il y a 4-5 lois qui régissent l'humain qui vont maintenant régir l'animal domestique, pas l'animal sauvage. Et puis, après ça, Après ça, on ne peut plus. Qui régissent l'animal. C'est des lois humaines qui régissent l'humain pour empêcher l'humain d'avancer, pour empêcher l'humain de réussir, pour empêcher l'humain d'être heureux. C'est un principe là, que vous devez comprendre, puis c'est même pas bordel. Il faudrait que vous rentriez ça dans le coco avec le marteau. Physiquement, si vous mangez un seul aliment, vous allez finir par en mourir. Mais c'est la même chose au niveau humain. De ce fait, on va s'arranger pour avoir des amis. Mais on se limite bien gros. L'humain doit comprendre qu'astralement, il a besoin pour s'alimenter, pour avoir une santé physique, une longévité physique. Santé vitale, santé astrale, d'être capable d'inhiber, de se nourrir affectivement de plus d'individus. Il veut pas. Ah, oh, mais c'est ici, c'est pas facile à dire. Ben, un instant, il y a des dangers. Écoute, on en meurt si on ne le fait pas. Parlez-moi-en des dangers de le faire. Dieu. Ça devient niaiseux. Si tu te libères, casse-le. Mais les individus les plus nourrissants sont des individus qui n'éclaireront jamais à que vous vous libériez. Ben, si tu te libères, tu fermes la porte. Quand tu reviens correct, la porte est ouverte. Alors qu'est-ce qu'on voit? Les gens sont là pour s'envoyer. Le pire qui va arriver, c'est de les aller mourir. Si vous ne faites pas, c'est sûr. L'humain est prêt à se demander, ma famille. Moi, j'ai une conférence vendredi prochain. Je ne sais pas les sujets, mais ça va être très, très, très bon.